qui avait lieu le 29 août. Et en troisième position, eh bien, c'est Brian Scott qui est monté sur la troisième marche du podium. En deuxième position, c'est Rylan Blaney. Et en première position, Paul Maynard. Je dois dire qu'on n'est pas vraiment très habitué à voir ces gars-là en Xfinity accéder au podium si facilement. En temps normal, on voit d'autres pilotes qui courent en Sprint Cup. Mais on le sait, cette fin de semaine, la Sprint Cup était en congé. Alors, déjà là, ça donnait une bonne occasion à d'autres pilotes de pouvoir montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et trois nouveaux, des gars qui sont montés sur le podium qu'on voit rarement monter sur le podium dans la série Xfinity. Du côté du IndyCar, eh bien, c'était la dernière course de la saison du côté du Grand Prix de Sonoma qui avait lieu hier. Je ne sais pas si pour certains, vous avez regardé la course, mais wow! Je ne sais pas si ça s'est vu dans les dernières années de terminer le championnat ex aequo durant les derniers tours de la course en Indy, mais c'est ce qui s'est passé du côté de Sonoma pour Juan Pablo Montoya et Scott Dixon. Je vais commencer tout simplement en parlant du podium de cette course-là. Donc, en troisième position, c'est Charlie Kimball qui a monté sur la troisième marche. En deuxième position, c'est Ryan Huntery. Et en première position, eh bien, c'est Scott Dixon qui a gagné. Mais en gagnant cette course-là, il est venu mettre la boucle à son championnat en IndyCar. Il a gagné devant Juan Pablo Montoya, qui lui a terminé en deuxième position au championnat. Et comme on le disait un petit peu plus tôt, durant les derniers tours, il y avait à la télévision, le nombre de points qui défilaient au championnat. Donc, on pouvait voir, selon la position des pilotes durant la course, le nombre de points changés au championnat. Et c'est là, quand il y a eu quelques accrochages entre Bourdais et Graham Rahal, eh bien, qu'on a pu voir Juan Pablo Montoya se mettre à égalité avec Scott Dixon au championnat. Et je crois que c'est une première pour la série IndyCar de terminer un championnat à quelques tour de la fin, ex aequo, si Juan Pablo Montoya pouvait monter simplement deux positions sur la piste, eh bien, on aurait pu voir vraiment un championnat qui terminait pareil dans les points. Et eh bien, c'est Will Power qui termine le top 3 pour le championnat d'IndyCar. Il y avait aussi la série NASCAR Canadian Tire du côté du fameux circuit canadien de Mosport. J'y étais. Une course avec beaucoup de rebondissements pour beaucoup de pilotes, mais trois positions sur le podium. Pour certains, on est habitué de les voir là. Pour d'autres, ils étaient très contents de pouvoir remonter sur le podium. En troisième position, c'est Jeff Lapcevich qui est monté sur la troisième marche. Et Jeff avait fait simplement quelques épreuves durant la saison. On a pu le voir d'ailleurs à la première course de la saison à Mosport. On l'a pu voir aussi sur certains ovaux. Mais vraiment, Jeff avait l'air très content lorsqu'il est allé chercher son trophée pour la troisième place. Sur la deuxième marche du podium, eh bien, c'est le trifluvien Louis-Philippe Dumoulin qui est monté sur la marche et lui aussi avait l'air très content. Ça faisait quelques courses que Louis-Philippe avait été absent du podium. Alors, je crois de ce côté-là et je crois du côté des points au championnat, on a été très content pour Dumoulin compétition. Et la première position, eh bien, le grand gagnant de cette course, c'est Jason Hathaway. Jason Hathaway, vous savez, Justin Wilson est décédé dans la dernière semaine, le pilote d'IndyCar. Eh bien, je crois que Jason Hathaway est comparable du côté amical et du côté tout le temps heureux à une piste. Je crois qu'en grand nombre d'années, j'ai jamais vu Jason Hathaway ne pas sourire lorsqu'il arrive à une piste de course. Et ça, c'est vraiment génial. Je suis vraiment contente de le voir gagner du côté de Mosport cette fin de semaine. Et il y avait aussi la Porsche GT3 durant... Durant tout l'été, en piste avec Tania Baudin, on a parlé beaucoup de séries différentes. On a parlé de karting, on a parlé de NASCAR, on a parlé à un certain point de rallycross parce que le Grand Prix de Trois-Rivières avait le championnat du monde de rallycross. On a parlé vraiment de toutes sortes de séries, mais je dois dire que j'ai eu un manque de ce côté-là. J'ai jamais vraiment parlé de la série Porsche GT3 canadienne. Et puis aujourd'hui, une grande partie de l'émission va être dévouée, disons-le comme ça, à la Porsche GT3 parce qu'un petit peu plus tard, au téléphone avec nous, on va avoir Christopher Green, le champion de la série, et aussi Daniel Murad, le champion des équipes. Donc, il y a deux sortes de championnats, un peu comme en Formule 1, je le dirais. Et on va les avoir avec nous au bout de la ligne un petit peu plus tard dans l'émission. donc ça va être très intéressant de voir ce qu'ils ont à dire. Mais du côté de Mosport, cette fin de semaine, ils étaient là, ils étaient présents. On a eu le droit à une belle course de la part de ces pilotes-là. Et en troisième position, eh bien, dimanche, c'était Christopher Green, le champion du championnat Platinum. En deuxième position, Daniel Morad. Et en première position, le jeune Scott Hargrove. Alors, on va aller en musique dès maintenant et tout de suite après la pause musicale, j'ai pour vous une petite anecdote et aussi, je vous le disais un petit peu plus tôt sur les réseaux sociaux, j'ai une surprise. Eh bien, c'est mon nouvel co-animateur, en fait, disons-le comme ça. C'est plutôt moi qui va devenir sa nouvelle co-animatrice lors des émissions du matin. Mathieu Plante est avec moi et, bien, un petit peu plus tard, on va pouvoir discuter avec lui de l'émission qu'on va co-animer ensemble. Mais il va pouvoir prendre place tout au long de l'émission si jamais il le sent, tout simplement. Et peut-être qu'après la pause musicale, il va se sentir interpellé et va vouloir nous discuter ça. Alors, Mathieu Plante est avec nous en studio et on va aller écouter Look What We've Become de Gracie Poulter. They told you to keep your head down. They told you not to run. They told you we're sorry. C'était Gracie Potter avec Look What We've Become. Je vous disais un petit peu plus tôt, avant la pause musicale, qu'on allait avoir un invité spécial. Eh bien oui, c'est mon nouveau co-animateur, mais comme je le disais, c'est plutôt moi qui est sa nouvelle co-animatrice. Mathieu... prends ta place. Mathieu Plante est en studio avec moi. Il va me faire un sandwich. Oui, c'est ça. J'aimerais faire ça. En fait, on va discuter un petit peu plus tard de notre nouveau projet durant l'émission, mais j'ai invité Mathieu aujourd'hui parce qu'on discute quand même de quelque chose que je crois que tous les gens voient sur la route ces derniers temps. Et j'ai une anecdote pour vous. Présentement, on va parler de conduite dangereuse. Ce midi, je m'en allais chercher à manger tout bonnement, comme ça, et j'étais arrêtée à un coin de rue. Quand que j'ai regardé à ma gauche, tout était beau. Quand j'ai regardé à ma droite, tout était beau. J'ai encore regardé à ma droite. Mm-hmm. Et lorsque je suis arrivée... à ma gauche, pardon. Mais lorsque je suis arrivée pour repartir, il y a un garçon, disons-le comme ça, dans les bons mots québécois, pour pas dire d'autres mots méchants, un garçon à vélo qui était en train de texter, qui m'a rentré dedans. Le combo parfait, hein? Exactement. Là, je tiens à dire que c'est pas moi au volant qui textait ou qui était en train de regarder ailleurs. J'ai regardé à ma gauche, j'ai regardé à ma droite, j'ai regardé à ma gauche et quand je suis arrivée pour avancer, c'est lui qui m'a rentré dedans parce qu'il était en train de texter. Non seulement son vélo et lui ont fait un petit vol plané, là, mais son téléphone aussi. Mais ce qui m'a le plus... C'est la vraie victime de l'histoire, c'est vraiment le téléphone. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est le téléphone, parce que d'après moi, il était dans un état assez médiocre après ça. Mais je dois dire que ça m'a surpris que le gars ait tout simplement remonté sur son vélo, m'a fait signe de la main, je suis désolée. Ah, au moins, il a assumé ouais, son... Oui, tout à fait. Il a fait signe de la main, je suis désolée. Il m'a jamais parlé. Quand je suis arrivée pour sortir de mon véhicule, il a repris son téléphone et il est parti. Ouf. Mon véhicule a absolument rien. Non, c'est ça, au moins. T'sais, on s'entend, c'est un vélo, là. J'ai une scratch sur ma voiture, mais j'ai pas de bosse, absolument rien, mais quand même... La question que les gens se demandent, as-tu pris un selfie après? Parce qu'on sait que c'est tout ce que tu fais, ouais. Les selfies. Bon. Mais non, j'ai pas encore pris de selfie. Ah. J'ai pas pris de selfie avec le gars que je venais quasiment de tuer, là, mais qui s'est quasiment jeté sur ma voiture, dois-je dire. Mais j'étais quand même très fâchée sur le fait qu'on dit à tous les automobilistes, ne texte pas au volant. On dit à tout le monde, moi personnellement, quand je suis au volant avec quelqu'un, ça me fait peur, quelqu'un qui texte au volant. Ouais. J'essaie de texter le moins possible au volant. Okay? Je dois dire que ça m'est déjà arrivé. Oui, j'ai déjà envoyé un texto au volant. Un petit pouce en l'air, un yes ou quelque chose de vraiment simple. Exactement, mais c'est quelque chose que tout le monde doit corriger. Et là, même les cyclistes ne regardent pas où ils vont. Moi, je pense qu'on n'avertit pas les cyclistes parce que c'est juste tellement évident qu'en vélo, tu as déjà tes mains sur le guidon. Tu ne peux pas être en train de texter à moins que tu aies trois bras. Ça. C'est ça, exactement. Ouais. Puis de toute façon, je suis persuadée que tout le monde se dit, les gens qui font du vélo automatiquement et regardent devant ben oui. eux. Mais un téléphone, c'est tellement facile à sortir de sa poche, même si, tu sais, je parle en connaissance de cause, là, même si on fait du rollerblade, qu'on fait du skate, qu'on est en vélo ou qu'on marche, simplement marcher. Combien de personnes ont failli se faire tuer parce qu'ils étaient en train de texter, en train de traverser une rue? Puis ça, je pense que ça vient vraiment me chercher parce qu'un petit peu plus tôt, durant la saison de En piste avec Tania Baudin, on a discuté avec un pilote de l'Alberta, Parker Thompson, qui, lui, est pilote de course et se bat du côté de l'Alberta pour pouvoir justement ramener les gens à la réalité puis dire, vous savez, texter au volant ou être distrait au volant est aussi important que de faire, de faire des campagnes de sensibilisation pour n'importe quelle maladie. Ça devient une maladie. Mmh. Les gens ont tout le temps leur téléphone. Les gens doivent dans tout le temps remplir. Ils doivent être en mode communication en permanence. Moi, je suis à pied. Hein, c'est pour ça que je suis un grand expert en char. Là. Mais je suis à pied dans la vie. Et je viens à l'université et je croise 3 douzaines de personnes qui sont tout le temps en train de texter. Il faut qu'ils remplissent leur temps. Ils ne sont pas capables de ne pas penser à texter quelqu'un. Exactement. Puis, voyons donc. On s'entend. Moi, personnellement, mon père m'a toujours dit quand j'étais petite, Tania, le jour où tu vas conduire, il faut que tu comprennes que tu as une arme blanche entre les mains. Tu peux tuer n'importe qui sur la route. Peu importe ce qui va arriver, ça va faire beaucoup plus mal que si tu es à pied. Oui, puis on revient au sandwich de tantôt, oui. que j'attends toujours d'ailleurs, mais c'est pas mieux, là, parce que les gens vont dire, ben voyons donc, c'est la même chose, tu peux avoir un hamburger dans ta main, ça va être autant distrayant parce que t'as pas les mains sur le volant. Tout à fait. Tes mains, ils vont où? Ils vont sur le volant. C'est ça. Est-ce que, je veux juste amener les gens à se dire, mon Dieu, c'est vraiment important d'arrêter de texter au volant, d'arrêter de texter quand on traverse la rue. Si vous êtes automatiquement sorti de chez vous, qu'il y a des voitures d'impliqués, arrêtez d'utiliser votre téléphone. Ou vos lecteurs MP3, ou les vieux cartables de CD, ouais, si vous avez encore ça, les cassettes. Honnêtement, j'ai eu une peur bleue. Ouais. Je me suis demandé si j'avais tué le gars, parce qu'honnêtement, le gars est tombé en bas de son vélo. Mais là, je me suis dit, OK, je vais sortir de mon auto. J'ai même pas eu le temps de sortir de mon auto. Il savait très bien que c'était lui qui était dans le tort. Il a remonté sur son vélo, puis il a recommencé à pédaler. Moi, ça m'a jeté à terre de tout simplement me rendre compte que les gens, peu importe ce qui va arriver, sont pas encore conscientisés à ça. Il faut arrêter de texter au volant. Il faut arrêter de prendre en conséquence que, ouais, mais c'est pas bien, bien plus grave que ça. Ça arrive tout le temps aux autres. Mm-hmm. Tu sais, quand on dit, exemple, dernièrement, j'ai regardé une émission, puis malheureusement, la fille dans l'émission apprend qu'elle a le cancer. Spoiler. Et elle dit, ben oui, tout à fait, hein, moi aussi, que je suis pas fine. Au moins, j'ai pas dit le nom de l'émission. C'est ça. Mais elle arrive tout le temps à dire, on croit tout le temps que ça arrive aux autres mm-hmm. avant que ça nous arrive. Puis tout le monde dit ça. Ça arrive tout le temps aux autres avant que ça nous arrive. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on doit pousser la limite du « je vais attendre que ce soit moi, l'autre personne ». Ouais. C'est complètement stupide. Et c'était une anecdote que je voulais vous dire pour vous conscientiser justement à garder les yeux sur la route, les mains sur le volant. C'est vraiment très important. Et je vous parlais de Parker Thompson, le pilote canadien qui justement est parti en campagne en Alberta pour ça. Il fait le tour des écoles parce qu'on s'entend, du moment que tu es au secondaire, tu as l'âge d'avoir un permis de conduire. Mmh. Moi, là, je vois des jeunes de 15-16 ans tout le temps sur leur téléphone et ils n'ont pas encore de voiture entre les mains. Au jour où ils vont avoir une voiture entre les mains, est-ce que ça va être encore plus dangereux que... Tu sais, je dois dire, mon père est rendu très technologique, ma mère est rendue technologique, les deux ont un téléphone cellulaire, ils savent très bien comment s'en servir. Mais ces gens-là, déjà en partant, sont plus conscientisés aux problèmes que ça peut en gérer. Mais les gens, les jeunes qui sont dans les écoles présentement... Ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Il faut ramener les pagettes, parce que ça fait que t'arrêtes pour aller téléphoner. T'sais. On devrait faire ça, on devrait ramener les pagettes, pensez-y. S'il vous plaît. C'est... Mais si jamais vous êtes intéressé à voir ce que le pilote de course Parker Thompson fait du côté de l'Alberta, si jamais vous êtes intéressé à voir les chiffres que la fondation, disons-le comme ça, a donné sur le site Internet, c'est très intéressant de voir que le 2/3 des gens qui sont impliqués dans un accident dû au, disons-le comme ça, là, au textage au volant, oui. Les 2/3 sont des hommes. Wow! Alors là, déjà en partant, je veux pas... partir un débat là-dessus! C'est mais... ça, je veux pas partir un débat des sexes là-dessus, là. Mais ça vient quasiment rejoindre le décrochage scolaire qu'on avait comme débat il y a quelques années, à savoir, est-ce que les filles sont plus conscientisées que les gars simplement à la base? Bon, mettons tout le monde dans le même bateau, là, on est tous des humains, là. Déjà en partant, lâchez vos téléphones cellulaires, ça va déjà être un très beau point. Arrêtez de swiper à gauche, à droite sur Tinder. Arrêtez d'utiliser Tinder au volant, c'est pas bon, puis de toute façon, ça finit jamais bien, cette affaire-là. Alors, pour vous, si jamais vous voulez regarder, comme je disais, les chiffres que la fondation Drive to Stay Alive a décidé de mettre en place, eh bien, c'est très, très facile, vous vous rendez sur le www.parkerthompsonracing.com. T'as un peu, je me demande si je vais retenir cette adresse-là, Parker. Parker! C'est super facile. ParkerThompsonRacing.com et sous l'onglet Drive to Stay Alive, vous allez voir ce que le pilote de 17 ans est en train de faire en Alberta. C'est vraiment super. Il est en train de faire le tour des écoles primaires, secondaires. Il voit même à essayer de voir un petit peu plus haut, faire des conférences, à savoir justement jusqu'où on doit aller pour conscientiser les gens à ça. Et j'ai vraiment le goût de... C'est un ami à moi, Parker Thompson, mais j'ai vraiment le goût de m'impliquer dans Drive to Stay Alive pour justement conscientiser les gens que ce soit pas simplement en Alberta, mais que ça se passe au travers du Canada. Il faut que les gens comprennent que c'est important de lâcher leur téléphone cellulaire. Alors, c'était mon... Dit-il en répondant à un message texte pendant que tu parles. Mais bon, oui, c'est ça. Mais déjà, en partant, c'est mieux parce que tu conduis pas, tes deux mains sont sur le bureau, alors à moins que je te pose une question immédiatement et que tu sois pas en mesure de répondre. C'est mais... juste justement, tout va bien pour le moment. Et on va faire une courte pause musicale. On va aller écouter Insomnia d'Odienne et Person James. Et au retour, on va parler de NASCAR Canadian Tire avec le pilote Olivier Bédard. OK, fiu, je suis pas là-dedans. I give a damn about the sticks or stones when all my bones been shook so long and the ghost inside my head it keeps floating on and all night long I pray him gone like oh, oh, oh. Think I've forgotten how to sleep. Oh, oh, oh, oh, think I've forgotten how to sleep. Oh, I don't wanna close my eyes, 'cause I just wanna stay alive. I'm fighting with the beast inside, 'cause I don't wanna. We'll be right back. the gallows just to lose myself. I've come undone, I need some help, and I'm sick of throwing pennies in the wishing well, 'cause everyone goes straight to hell. Like, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Think I've forgotten how to sleep. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, think I've forgotten how to sleep. C'était Odin et James Parson avec Insomnia. Tout juste avant de s'en aller en pause musicale, je vous disais qu'on allait parler NASCAR Canadian Tire avec Olivier Bédard. Vous avez déjà entendu parler de lui dans mon émission. Beaucoup plus pour la série Nissan Micra que pour la série NASCAR Canadian Tire. Mais je suis très contente de m'entretenir avec lui. Olivier, ça va bien? Ça va bien, toi, Tania? Oui, merci. Olivier, j'aimerais que tu me parles premièrement de comment est-ce que cette opportunité-là de sauter en NASCAR Canadian Tire en fin de saison est arrivée à toi? Eh bien, après les bons résultats en Coupe Nissan Micra, on a eu quelques entretiens avec l'écurie White Motorsport. Et puis, on a travaillé avec les commentateurs, avec l'équipe pour pouvoir avoir un budget en fin de saison pour pouvoir faire la dernière course qui nous a permis d'apprendre énormément et d'engranger l'expérience pour l'année prochaine. Mais c'est ça, tu parles d'apprendre beaucoup. C'était la première fois que tu embarquais dans une NASCAR cette fin de semaine. Tu es habitué à beaucoup d'autres types de voitures. Tu as fait de la Formule 500, de la Nissan Micra. Mais du côté technique du pilotage, comment est-ce que tu t'es senti, toi, cette fin de semaine? Ça a été un très, très gros challenge pour moi de passer de 100 chevaux à 500 chevaux. Mm-hmm. Dans une voiture sportive à une grosse voiture NASCAR, c'est toute une adaptation. Les deux, c'était autant challengeant au pilotage. Ils ont chacun leurs petites caractéristiques. Mais la NASCAR, il y a tellement de puissance. La voiture, comme j'ai dit, est énorme. Donc, pour moi, ça a été une très, très grosse adaptation. Mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Est-ce que tu avais eu la chance d'essayer la voiture avant d'arriver à Mosport ce week-end? J'aurais aimé plus pratiquer avec la voiture. Tout ce que j'ai pu faire, c'est un shakedown qu'on appelle. Dans le fond, c'est de s'assurer que la voiture est capable de faire le week-end, dans le fond. Mm-hmm. Ça s'est passé à Icar 3 jours avant l'événement. Donc, avoir eu plus de préparation, je crois que les résultats auraient été plus au rendez-vous. Mais quand même, c'était vraiment juste un week-end pour apprendre, prendre l'expérience et tout. Donc, tout le monde est satisfait de la fin de semaine. Après ta première expérience à bord d'une NASCAR Canadian Tire, est-ce que tu dis que la façon de se mettre en forme pour piloter ce genre de voiture-là est tout à fait différente que les voitures que tu as déjà pilotées? C'est sûr, au niveau physique, je dirais pas que c'est la voiture la plus exigeante, okay. Mais c'est surtout que c'est une course, surtout la course à Mosport est extrêmement longue. Mm-hmm. Et puis dans le cockpit, il fait extrêmement chaud. Donc, c'est de s'entraîner à surtout... évidemment, faut être en forme, mais c'est de tolérer la chaleur. Puis 1h45 de course dans une voiture où il fait extrêmement chaud, ben après la course, on est fatigué, déshydraté. Même si on a l'eau durant la course, C'est vraiment, on est vidé, là, si vous regardez tous les pilotes. Ça prend quand même une très, très bonne préparation physique là, pour pouvoir durer toute la course, être le plus optimisé possible au niveau pilotage. Et puis, Olivier, rapidement, est-ce que de te revoir en série NASCAR Canadian Tire en 2016, ça pourrait être un projet possible? Et on travaille très fort là-dessus. On va avoir tout l'hiver pour rassembler un budget. Avec les partenaires, c'est quelque chose qu'on évalue certainement. Puis, dans le fond, comme j'ai dit, l'expérience qu'on a appris ce week-end, c'est sûr qu'on va tout faire pour venir l'année prochaine puis utiliser cette expérience-là pour être encore mieux préparé. Tu roules en série Nissan Micra, comme tu le disais un petit peu plus tôt. Tu as fait de la 1600. On te voit aussi sur les pistes de karting à faire du coaching. Tu as seulement 18 ans. Dis-moi, Olivier, est-ce que les études sont quand même très importantes pour toi? C'est sûr. Je suis au cégep en ce moment, temps plein pour cet hiver. Donc, c'est sûr que ça prend un plan B, évidemment. Même si on veut que le plan A se réalise, c'est-à-dire une carrière professionnelle. Et puis, les outils que je vais me chercher au cégep vont me servir dans ma carrière. Donc, c'est sûr que c'est un incontournable. Eh bien, Olivier, merci beaucoup parce qu'on le sait que, justement, présentement, tu es en pause au cégep. Tu as pris quelques minutes pour pouvoir nous téléphoner, discuter avec nous. Je suis très contente de ça. Tu as quand même fait une 16e position cette fin de semaine, ce qui est très bon pour ta première fois en série NASCAR Canadian Tire. Encore une fois, Olivier Bédard, merci beaucoup. Bien, merci à toi, Tania. Merci. Et comme le disait Olivier, c'est une adaptation qui est tout à fait différente de ce que l'on voit en temps habituel. C'est important, par contre, de garder la ligne vers d'autres projets ouverts, comme il nous disait. Un jeune pilote de 18 ans qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci sur les réseaux sociaux, les sites Internet de courses automobiles. C'est un pilote à surveiller parce que, d'après moi, en 2016, on devrait le revoir à bord d'une voiture, que ce soit NASCAR Canadian Tire, Nissan Micra ou Formule 1600. C'est un pilote rempli de talent. Alors, sans plus attendre, on va aller à une pause. Et après ça, on va parler, comme je le disais un petit peu plus tôt, de Porsche GT3, dont on n'a pas eu la chance de parler très, très souvent ou vraiment... Vraiment pas beaucoup durant la saison en piste avec Tania et Baudin, et je crois que c'est un petit peu de ma faute, mais je suis très contente. On va parler avec Christopher Green au retour de la pause et de la pause musicale. Fou de contraste. C'est fou, 89.1. L'émission Palmarès du Monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis, 17h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Fou de musique du monde. C'est fou, 89.1. Et oui, vous êtes de retour, c'est fou, 89.1 FM. Vous écoutez En piste avec Tania Baudin. Et au téléphone avec moi, j'ai le nouveau champion de la série Porsche GT3 Cup canadienne, Christopher Green. Christopher, comment est-ce que ça va? Ça va super bien, merci. Toi, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue à En piste avec Tania Baudin. Premièrement, félicitations pour la victoire du championnat. Au lendemain de cette nouvelle-là, comment est-ce que tu te sens? C'est une très bonne question. C'est pas rendu assez encore dans ma tête. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours rêvé de réussir. Puis le fait qu'on est rendu champion, c'est pas, comme on dit en anglais, hasn't set in yet. C'est vraiment des émotions que j'ai pas senties depuis longtemps. Puis je suis très fier de mon équipe pour ça. Christopher, tu es un pilote qui a touché à beaucoup de séries différentes. Tu es un des rares au Québec qui réussit à faire de la course automobile son métier. Comment est-ce que la série Porsche GT3 est devenue une option de carrière pour toi? C'est une très bonne question. J'ai toujours été à l'entour des Porsche depuis que j'étais un petit garçon avec mon père qui était un mécanicien de Porsche. Puis des années que j'y vivais pendant que je bâtissais ma carrière en course automobile, pour commencer en karting, puis après ça faire la formule, j'ai vu une opportunité d'appliquer pour la série Porsche au Canada. Puis quand j'ai vu qu'il y avait des opportunités de conduire avec des compagnies comme Pfaff Automotive Partners, qui sont basées à Toronto, qui est un des concessionnaires les plus au niveau de la volume les plus grands au Canada, justement en Amérique du Nord. C'est là que j'ai eu l'opportunité de pouvoir me prouver en sedan, en auto qui n'était pas une monoplace ou pas un go-kart, puis c'est là que j'ai trouvé mon opportunité. Christopher, pour les gens qui connaissent un petit peu moins le monde du sport automobile, tu es quand même un Québécois, tu es d'origine montréalaise, mais tu as déménagé à Toronto. Est-ce que les opportunités en course automobile sont beaucoup plus grosses là-bas qu'ici? Oui, comme tu dis, je viens de Montréal, ça fait 8 mois que j'ai déménagé ici à Toronto. C'est sûr que Toronto, c'est un marché qui grandit puis qui développe tous les jours. C'est la troisième plus grande ville en Amérique du Nord. Fait que oui, actuellement, ça va finir par trouver plus d'argent puis plus des gens qui ont la capacité de pouvoir commencer des pilotes de course comme moi. J'ai décidé de changer ma carrière puis déménager à Toronto. Puis c'est pas une décision qui était facile, mais en même temps, c'est une décision que je vais jamais regretter parce que aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir piloter des autos de course, surtout des Porsche, et aussi travailler dans l'industrie de l'automobile. Chris, dis-moi, tu t'es fait recruter, comme tu le disais, par Pfaff Motorsport. À quoi est-ce que consiste un contrat pour un pilote dans ta catégorie avec ce type de compagnie-là? Peux-tu reposer la question, s'il te plaît? Oui, certainement. Bien, en fait, tu t'es fait recruter par Pfaff Motorsport. Est-ce que ça t'engage à certaines obligations envers eux? Est-ce que tu deviens un exemple pour les jeunes? Est-ce que tu deviens un ambassadeur de la compagnie? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est exactement ça le but de Pfaff. Puis Chris Pfaff, le propriétaire de la compagnie, il voulait vraiment avoir une équipe de course motorsport. Eux, ils ont couru dans les années 80 puis début 90 avec la série 944. Ils appelaient ça la Rothman Series. Puis pour eux, c'était très important d'avoir la connaissance de la marque Pfaff puis la connaissance de la marque Porsche au Canada pour pouvoir montrer aux jeunes puis à nos clients aussi que nous, la performance est tellement importante. Si c'est notre vendeur ou les techniciens qui travaillent en arrière dans le garage, la performance pour nous, c'est très important. Fait que oui, comme ambassadeur aussi, les jeunes, ils vont me regarder comme un role model pour que eux, ils veulent devenir justement un jour un pilote de course comme moi ou comme les frères Dumoulin ou comme Jacques Villeneuve. Je peux dire qu'il y a beaucoup des petits jeunes en karting qui ont dit « Moi, un jour, je vais absolument courser pour Pfaff. » Bien, justement, parlant de karting, on s'est croisés la semaine dernière lors du championnat canadien karting à Mosport. Tu représentais Pfaff comme un supporter de la fin de semaine. Est-ce que c'est important pour toi de t'impliquer au niveau des jeunes personnellement en karting? C'est super important pour moi. Pendant des années, je travaillais encore avec des jeunes en karting comme mécanicien puis aussi comme coach. Pour moi, j'ai commencé ma carrière en karting puis je sais à quel point j'ai grandi comme personne. J'ai appris des choses que c'est très difficile à faire dans d'autres domaines ou dans d'autres sports que tu es capable d'apprendre assez rapidement en sport automobile. C'est un autre monde, c'est une autre façon de vivre comme jeune. Puis pour moi, pour être capable de montrer aux jeunes comment développer comme pilote de course et comment avoir les outils disponibles pour que les jeunes puissent réussir, c'est très important que je puisse que j'ai l'opportunité de pouvoir give back à la communauté de karting. Eh bien, la série Porsche GT3, c'est une série qui englobe vraiment de tous les âges. Mon Dieu, cette fin de semaine, on a vu des pilotes qui avaient à peine 20 ans courser contre des gens qui ont 40, 45 ans. Cette série-là n'est pas tout à fait connue du monde fanatique de sport automobile. On n'entend pas parler de vous comme on entend parler des grosses séries. Exemple, la série NASCAR canadienne ou la Formule 1600 au Canada comme au Québec. Mais qu'est-ce qui créerait, selon toi, un gain d'enthousiasme vers les amateurs pour cette série-là? Nous, on est très différents. C'est sûr que la série Canadian Tire, ils sont capables d'attirer des gros commanditaires nationaux, multinationales. Mm-hmm. Pour nous, c'est souvent, il y a beaucoup des jeunes talents qui passent dans la série, comme on peut regarder une jeune qui s'appelle Spencer Piggott, qui présentement, ben aujourd'hui, je pense qu'il mène le championnat Indy Lights aux États-Unis. Pour attirer l'attention vers nous, c'est sûr que les autos qu'on course ici au Canada, c'est très spécial. C'est des Porsche, c'est pas des autos qui sont accessibles à tout le monde. Fait que c'est sûr, le niveau d'intérêt, c'est très intéressant. Mais c'est toujours aussi une question d'argent. Puis ça dépend combien la série est capable de mettre au niveau de la publicité, au niveau de la télé, au niveau de la radio, etc. Puis je pense que c'est souvent surtout une question d'argent. Oui, tout à fait. Eh bien, Chris, encore une fois, félicitations pour la victoire du championnat en série Porsche GT3. J'imagine que tu as bien fêté ça hier soir. Oui, c'est certain, c'est certain. Eh bien, Chris, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir de discuter de sport automobile avec toi. Et puis, comme le dit Chris, eh bien, le côté monétaire devient toujours un côté très important dans le monde du sport automobile. On en entend parler depuis très longtemps. C'est quelque chose qui ne changera pas d'ici quelques années, disons-le comme ça. Mais que voulez-vous, la série Porsche GT3, je l'ai dit un petit peu plus tôt avant l'entrevue avec Chris, c'est une série que j'ai peut-être mis un petit peu de côté en parlant de toutes les autres séries, mais c'est aussi une série qui justement, comme le disait Chris, amène des pilotes à aller un petit peu plus loin, surtout ici au Canada. Donc, il parlait de Spencer Piggott. On a vu aussi Scott Hargrove, qui lui aussi a fait quelques changements durant les dernières saisons et qui est en Porsche maintenant. Mais c'est une série qui tente à se faire connaître. Alors, si jamais vous êtes des fanatiques de sport automobile, je vous invite tout simplement à aller chercher le plus d'informations possible sur cette série-là pour la saison prochaine, parce que c'est une très belle série de courses automobiles. Et au retour de la pause, eh bien, on va encore parler de Porsche, mais cette fois-ci avec le pilote anglophone Daniel Murad. Alors, on s'en va écouter « Out of My Mind » des The Hawks. Good morning, children. Welcome to school. c'était Out of My Mind avec The Arcs. On se disait justement avant la petite pause musicale qu'on allait encore parler cette fois de Porsche GT3, mais avec le pilote ontarien Daniel Morad. Daniel, how you doing? Great, thanks. Thanks for having me on the show again. You're welcome. It's not your first time on the show. We talked with you a little bit earlier in the month when it was GP3R, but I'm really glad we can talk more about the series, about how it is for you to race in Porsche GT3. But tell me, how does this deal with Porsche Oakville came to you? Yeah, well, I mean, the season's over now. It's been a great first season back for me. After being out of the car for 4 years, you know, it's been a life-changing experience, and I'm working with really, really great people, and you know, it's some of the happiest times of my life for sure. You know, being with Allegro Motorsports, and you know, just that team itself is such a great organization, and you know, they're 24 hours of Daytona winners. In 07, they won the race, which is a huge prestigious award to win and accomplish, and now we've merged with Porsche Center Oakville, and you know, we're called Allegra Porsche Center Oakville Motorsports. So, you know, just the whole, both organizations merged together seamlessly, and it's like one big family. You know, not only are you spoiled with one great organization, but you have two, and they've welcomed me with open arms. Well, that's pretty good. But just before talking to you, we were talking with Christopher Green, obviously the winner of the championship, but you're also winner of the Team Cup championship. But tell me, just before talking about the championship itself, becoming an ambassador of a company like Porsche Center Oakville and also Allegro Motorsport, does it change something in your life? As for example, you have to take care of some stuff. You don't really have to. Do you need to take care of your social media more often? How does it work for you? Well, I think now I have something to talk about, and you know, people are very receptive. I have really, really great support, and everyone around the dealership in this area. Also, at the GP3R, I made new friends and you know, new fans, and it's been a great season for that, you know, just to get back on the map. And but yeah, for sure, the social media is huge. When I stopped racing, it wasn't as popular, and you know, Twitter, Instagram, Facebook, that wasn't really used as often. But now, I mean, everyone, even us at the dealership at Porsche Center Oakville, we do all of our marketing campaigns through social media, and it's been the most successful avenue for us. So yeah, that stuff is definitely very, very important. And also, you know, you're representing not only yourself, but you're representing bigger companies, people bigger than just yourself. So I try to do the best I can and just be myself. I answer everything. I try to answer questions. People message me on my Facebook, and I get back to them within a few minutes if I can, if I have my phone on me, which throughout the day, if I'm not training or getting ready for the next race, I'm on my phone and answering questions and interacting, and I kind of love that thing, you know, just being involved with people. And if someone's willing to show support for me, I have all the time in the world for them. And yeah, I mean, I was once a little boy, and my heart was broken when some racing driver, some of my idols, they wouldn't sign autographs, or they wouldn't talk to me. Oh yeah, it really hurt me. And you know, I carry that all the way till today, and remember where I was at that point. Yeah, well, as you were telling yourself, you were out of a racing car for about 4 years. To come back in that kind of series, do you have to always keep in shape? Do you always go to the gym? How does it work for you? Is nutrition a big part of this training to come back on track? Yeah, nutrition is probably the most important aspect. I'd say it's 80% of your physical fitness. I always try to keep healthy, eat healthy. But these cars, the GT3 Cup cars, for a regular person would be very, extremely difficult. Mm-hmm. So just to give you an example, the cockpit temperatures are around 60, 65 degrees Celsius. Okay. During the race. And not only is it hot, so it's like a sauna inside, but then you have to actually do exercise. So it's not just straightforward, you know, turning a car like you would on the road. There's no power steering. Very, very limited power steering. No power assisted brakes. Everything is raw. It's just all down to, your pure strength and endurance. And after a 45-minute race, I mean, it can beat you up. So in the off season, I mean, in between races, I'm playing tennis. I play soccer. Actually, I play on 3 different soccer teams. Yeah. So I keep really, really active. I love sports. I'm a true sportsman. I guess a true athlete. I go running, tennis, soccer, hockey in the winter with some of my friends. Just all around, just try to keep busy, keep active. I think that's the most important thing, because driving a race car is, it's very, very difficult. It's not like soccer where you can just get a ball and go to the park and just start dribbling it around. Yeah. Racing is expensive. It costs money to burn tires and fuel and to hire the team. Somebody has to pay for that. So, thankfully, we have great partners and, people that really understand the value of being involved in motorsport and what it brings. So with Porsche Center Oakville, we're selling more cars because, we're involved with the motorsport and there's a direct relationship. And not only are we just involved, but like you said, we are team champions this year in our first season together, which is a pretty good accomplishment. So we can finally end up the debate about race drivers being athletes with you telling all about shape and training. Thanks a lot, Daniel, for accepting our invitation to talk on the show about Porsche GT3 Cup Championship. Yeah, thanks for having me. I just want to say that next year, hopefully I'm back. I think I've done all the right things, taken the right steps, and being second place in the championship, even though we had a DNF in Toronto in race one, that really, when you look back at it, you can analyze the season a million different ways, but that was really the turning point for us, and it really, when you look back, it cost us the championship because we lost by 5 points. Yeah. But overall, the results have been the top results. So it's a little disappointing to be second, but it's nothing to be ashamed of. I'm super proud of everyone's hard work, and hopefully we'll be back next year and fighting for the overall driver's title and another team championship. Definitely, because you guys worked really hard, as you said, and we wish you the best of luck for 2016. Daniel, thank you a lot for being on the show. It's always a great pleasure to talk with you about motorsports, and we wish you, as we said, the best of luck for the next season. Thanks, Daniel. Thank you. Alors, comme le disait Daniel Morad, on lui a tout simplement demandé comment est-ce que l'entente avec Porsche Center Oakville était venue à lui, et ils se sont alliés avec Allegra Motorsport, l'équipe de course pour laquelle Daniel était déjà affilié. Il a quand même passé 4 ans à l'extérieur d'une voiture de course. Alors, pour lui, c'était vraiment important de pouvoir venir chercher cet aspect-là qui est quand même une carrière. Donc, il est devenu comme un ambassadeur pour la compagnie de Porsche Center Oakville. Maintenant, il travaille avec la compagnie à développer beaucoup de projets sur le domaine de la course automobile surtout. On lui a aussi posé la question à savoir est-ce que les médias sociaux étaient quelque chose de très important pour justement un ambassadeur comme lui avec 2 compagnies comme Allegra Motorsports et Porsche Oakville Center. Et il disait que oui, tout à fait, c'est maintenant rendu une des choses les plus importantes pour un athlète de garder les gens en haleine sur les réseaux sociaux. Même Porsche Center Oakville qui développe leur voitures dans les garages continuellement à poster des choses sur Facebook, Twitter, Instagram pour que les gens restent en alerte. Et on lui a aussi demandé, en fait, s'il était revenu dans les gymnases, en fait, parce qu'il a passé 4 ans à l'extérieur d'une voiture de course. Alors, c'est quand même quelque chose lorsqu'on passe beaucoup de temps de revenir. On se souvient, il y a toujours eu un débat autour du monde de la course automobile, à savoir si c'était vraiment un sport, si les pilotes de course automobile étaient vraiment des athlètes. Et puis, connaissant personnellement Daniel Morad, c'est un gars qui touche à tout. Comme il disait, il fait du hockey l'hiver, joue au soccer dans 3 équipes différentes durant l'été. Il est toujours en train de faire quelque chose, toujours en train d'être actif. Et c'est très important pour lui de garder la shape physique à son meilleur, parce que quand même, il nous disait que la chaleur dans une voiture de course comme celle qui est la Porsche GT3 canadienne, c'est quand même entre 60 et 65 degrés Celsius. C'est extrêmement chaud de devoir se concentrer avec tout ça, parce que justement, tout à l'heure, on parlait de distraction au volant, mais ces gars-là sont quand même concentrés à une vitesse inimaginable. Du moment qu'il se passe quelque chose, ils doivent être focus à 100%, et c'est ce qui fait, selon moi, d'un pilote de course automobile, un athlète, c'est d'être aussi focus et d'être aussi en shape, d'avoir passé du temps dans un gym à se donner à 100% pour pouvoir acquérir et terminer dans les premières positions et même terminer dans les premiers au championnat. Alors, on était très contents de discuter avec Daniel Morad et on a un petit peu aussi discuté de la saison 2016. Il espère bien sûr revenir avec Allegra Motorsport et Porsche Center Oakville. Il reste un ambassadeur tout au long de l'hiver. Alors, les discussions devraient commencer à revenir pour lui du côté 2016 en fin d'hiver, mais on lui a souhaité la meilleure des chances pour la saison 2016. Et puis, eh bien, j'aimerais, avant de vous parler de notre nouvelle émission à Mathieu et moi, parce que je le disais un petit peu plus tôt, on a quand même une belle nouvelle à vous annoncer. Je suis sa nouvelle co-animatrice, mais quoi est-ce que ça consiste? Dans quelques instants, on va vous en parler, mais juste avant ça, je veux vous dire ce qui se passe ce week-end du côté du monde de la course automobile. La Spring Cup est de retour le 6 septembre. C'est le Boondoggle 500, et si vous pouvez l'écouter à NBC encore une fois. Et on se souvient, Xfinity suit toujours la plupart du temps la série Spring Cup. Alors, c'est le Darlington 200, le 5 septembre, aussi diffusé à NBC. Le Grand Prix F1 d'Italie, c'est dimanche sur RDS. Le retour du Grand Prix de France pour le rallycross. Alors, du côté de l'Europe, le rallycross recommence, en fait, ses activités. Restez à l'affût, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. La plupart de ces séries-là ont toujours quelque chose de très intéressant à poster lorsqu'ils sont aux pistes de course. Alors, c'est toujours très le fun d'entendre parler d'eux et de suivre sur les réseaux sociaux ce qui se passe pendant qu'on regarde la course à la télévision. Et Mathieu, c'est le temps de discuter, toi et moi. Tu me réveilles demain. Ben oui, hein, je sais. Allez, une petite taloche en arrière de la tête. La course automobile, c'est pas vraiment ton non. sport. Ben, hein, je suis content que ce soit toi qui sois ma co-animatrice à l'Assemblage Rocky et non moi le co-animateur de En Piste, parce que des affaires comme Spring Cup, je te traduirais ça comme la coupe ressort, j'imagine. Puis je suis clairement beaucoup trop immature pour les mots rallycross. Ben tu vois, ah oui, ok, je comprends ta joke très, très pourrie. Mais pas. Écoute, non, du tout. Ouais. Mais je suis contente que t'aies assisté à certaines émissions, parce que pour certains, ils ne le savent pas, mais Mathieu, à quelques reprises, est venu m'aider du côté technique en studio. T'espionner un peu aussi. C'est ça, exactement. T'as donné des conseils aussi. C'est ça. Puis, c'est une personne ressource. Hein. Tout à fait. Oui. Et puis de ce côté-là, moi, je t'en ai appris sur le monde de la course automobile. Si j'ai pu un petit peu titiller ton attention du monde de la course automobile, bien, je suis très contente avec ça. Ça a changé ma vie. C'est ça. Et pour les auditeurs, eh bien oui, en fait, dès la semaine prochaine, Mathieu et moi, on va animer l'émission du matin à C'est fou 89.1. Mathieu, parle-nous un petit peu d'Assemblage Requis. Ça fait déjà quelques années que tu animes cette émission. Exactement, depuis 2009. Ouais. Hein, c'est ça, que j'anime Assemblage Requis avec une panoplie de chroniqueurs, mais aussi des co-animateurs de talent. Il y en a eu plusieurs, et c'est pas parce qu'il y en a eu plusieurs que je vais pas te prendre pour acquise à partir du 8 septembre, parce que je vais apprécier animer avec toi, j'en suis certain. Si je peux te parler du concept de l'émission oui, en tant que telle, c'est tout sauf une émission du matin typique que tu entends ailleurs, c'est-à-dire qu'on a tout sauf la météo. Oui, c'est ça. Le trafic, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de bulletin de nouvelles. Il n'y a pas vraiment de trafic à Trois-Rivières, de toute façon. Non, c'est ça, c'est vrai. Pas vraiment de bulletin de